إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، on continue donc la lecture de cette épître concernant les préceptes pré-islamiques abolis par la religion de l'islam. Nous en sommes aujourd'hui au sixième précepte dans lequel le Cheikh rahimahullah ta'ala a dit: المسألة السادسة الاحتجاج بالمتقدمين. Le sixième précepte, parmi les préceptes des gens de la Jahiliya, c'est le fait de prendre pour prétexte ce sur quoi étaient les anciens. Donc ce précepte, en réalité, il rejoint le quatrième précepte que l'on a vu hier, qui est le suivi aveugle. Donc les gens de la Jahiliya, lorsqu'on les invitait à la vérité avec laquelle sont venus les messagers alayhim salatu wassalam, ils refusaient cette vérité sous prétexte que ce sur quoi ils étaient est la même chose que ce sur quoi étaient leurs ancêtres. Comme l'a dit Pharaon à Moussa alayhi salam, comme dans le verset que l'auteur rahimahullah ta'ala a cité. Qala fama balul qurun al-ula. Et il dit: qu'en est-il des générations anciennes? Ceci est la parole de Pharaon à Moussa alayhi salam, lorsqu'il l'a appelé à la vérité, qu'il l'a invité à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui dit: qu'en est-il des générations anciennes? C'est-à-dire celles qui étaient sur la même mécréance, le même polythéisme, le même rejet de la vérité que ce sur quoi je suis aujourd'hui. Il prenait donc cela comme argument. Et de la même manière le peuple de Nuh, alayhi salam, comme dans le verset que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné également: ma sami'na bihada fi aba'ina al-awwalin. Jamais nous n'avons entendu cela chez nos ancêtres les plus anciens. Ils rejetaient donc la vérité sous prétexte qu'elle n'était pas connue chez leurs ancêtres, qu'il n'y a pas de différence entre leur situation et la situation de leurs ancêtres, et que si cela était une vérité, leurs ancêtres l'auraient connue. Et de la même manière, ont réagi les mécréants du peuple de Quraysh lorsqu'ils ont rejeté l'appel du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit au verset 7 de sourate Sad: ma sami'na bihada fil millati al-akhira in hada illa ikhtilaq. Nous n'avons pas entendu cela dans la dernière religion, ce n'est en vérité que pure invention. Nous n'avons pas entendu cela, c'est-à-dire ce avec quoi est venu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans la dernière religion, c'est-à-dire la religion de leur père. Ce sur quoi étaient leur père et leur grand-père comme polythéisme et adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont donc rejeté le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ont dit ce n'est en vérité que pure invention. Ils ont donc qualifié ce avec quoi est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme étant mensonge. Pourquoi? Car cela est différent de ce sur quoi était leur père à Mecca, comme l'adoration des idoles, l'adoration des statues, des pierres et des arbres, et ainsi de suite, parmi les différentes formes de polythéisme dans lesquelles ils étaient plongés. Donc ceci est une voie, parmi les voies que les mécréants ont empruntées pour rejeter la vérité. C'est qu'ils ont fait de l'ignorance de leurs ancêtres un argument pour rejeter la vérité. Ceci est la voie des gens de la Jahiliya. Et ce qui est obligatoire pour toute personne douée de raison, c'est de regarder ce avec quoi sont venus les messagers alayhim salatu wassalam, et de comparer leur message avec ce sur quoi étaient ses ancêtres, afin de distinguer entre le faux et la vérité. Quant au fait de fermer la porte à cela comme ils le font, et de rejeter tout ce qui est contraire à ce sur quoi étaient tes ancêtres, tout ce qui est différent de ce sur quoi étaient tes ancêtres, tu le rejettes. Et ce qui correspond à ce sur quoi ils étaient, tu l'acceptes. Ceci n'est pas le comportement qu'adopte une personne douée de raison qui recherche le salut. Mais la personne qui recherche le salut, elle va observer, elle va regarder, elle va analyser le message des messagers alayhim salatu wassalam et accepter la vérité avec laquelle ils sont venus de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez aujourd'hui, parmi les gens de l'égarement, comme les adorateurs de tombes, lorsque tu viens pour leur interdire de vouer des adorations aux tombes, qu'est-ce qu'ils répondent? Mais c'est ainsi que faisaient nos ancêtres. C'est ainsi que faisaient nos parents. C'est ainsi que font les gens de telle ou telle confrérie ou de tel ou tel groupe. C'est ainsi que l'on fait dans tel ou tel pays. Et ce depuis des siècles. Ils prennent donc comme argument l'ignorance de leurs ancêtres. Et de la même manière, à titre d'exemple, ceux qui célèbrent le Mawlid al-Nabawi, l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on leur interdit cela, qu'on leur rappelle que ceci n'est pas légiféré, que cela ne fait pas partie de la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, qui étaient ceux de la communauté qui aimait le plus le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont jamais célébré son anniversaire, ni les grands imams qui sont venus après eux. Si tu leur rappelles cela, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent oui, mais cela est mis en pratique depuis des siècles. Si cela était faux, les gens ne l'auraient pas pratiqué. Ils prennent donc comme argument l'ignorance et l'égarement de leurs ancêtres. Et telle était l'argumentation des gens de la Jahiliyyah. Et comme on l'a vu à plusieurs reprises, ce que l'on doit prendre en considération, ce n'est pas ce sur quoi sont les gens, mais ce que l'on prend en considération, c'est ce avec quoi est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car tous les hommes, en dehors des messagers alayhimu salatu wa salam, ils peuvent voir juste ou se tromper. Ils peuvent être sur la vérité ou sur le faux. Il est possible que leurs paroles ou leurs actes soient parfois conformes à la vérité, mais il est aussi possible qu'ils soient parfois contraires à la vérité et qu'ils tombent dans le faux. Donc, on évalue les paroles et les actes des gens en fonction de ce avec quoi est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car ce avec quoi il est venu, c'est la vérité absolue et c'est cela qu'il nous incombe de suivre. Et ne pas faire comme les gens de la Jahiliyyah qui prenaient comme prétexte pour rejeter la vérité, l'ignorance de leurs ancêtres. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala a dit: Al-mas'alatu sabi'a, al-istidlalu biqawmin, u'tu quwwa fil afham wal a'mal wa fil mulk wal mal wal jah. Le septième précepte, parmi les préceptes des gens de la Jahiliyyah, c'est le fait de se baser ou de prendre pour preuve des gens dotés de force ou de puissance dans leur compréhension, dans leurs œuvres, dans leur royauté, leur bien ou leur notoriété. Il fait donc partie des préceptes de la Jahiliyyah qu'ils se basaient et prenaient pour preuve ce sur quoi étaient les gens forts et puissants, les gens fortunés, les gens dotés de notoriété, les gens à qui il avait été accordé de la compréhension et du savoir ou une certaine forme d'intelligence. Ils prenaient cela comme argument pour dire que ce sur quoi sont ces gens est forcément la vérité. Ceci fait donc partie des règles qu'ils utilisaient afin de distinguer entre le vrai et le faux. Ils regardaient la situation des gens. Ce sur quoi sont les gens forts, les gens fortunés, les gens de grande notoriété, ils considéraient que cela était forcément vérité. Et ce sur quoi étaient les faibles, les pauvres, les gens qui n'ont pas de notoriété et pas de rang dans la société, ils considéraient que ceci était forcément faux. Comme on va le voir dans le précepte suivant, Inch'Allah ta'ala. Donc cette règle, elle est fausse sans aucun doute. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a informé dans son noble livre au sujet des communautés précédentes, parmi les communautés mécréantes. Il nous a informé qu'il a accordé à certaines communautés une grande force, une grande puissance, ainsi que de nombreuses richesses. Mais ceci ne leur a en rien été profitable. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné cela à plusieurs reprises dans son noble livre et dans de nombreux versets, et parmi ces versets, celui que l'auteur rahimahullah ta'ala nous a cité au sujet de l'anéantissement du peuple de Had. Il dit rahimahullah: wa radda Allahu dhalika biqawli. Et Allah a réfuté cela par sa parole, c'est-à-dire il a réfuté cette argumentation sur laquelle étaient les gens de la Jahiliyyah. Il dit en s'adressant au peuple de Quraysh: wa laqad makkannahum fi ma in makkannakum fi. Nous leur avions donné à ceux qui vous ont précédés comme le peuple de Had ce que à vous nous n'avons pas donné, comme force physique, comme longue vie et comme richesse abondante. Ils étaient bien plus puissants que vous. Malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala les a anéantis. À cause de quoi? À cause de leur mécréance, leur refus d'accepter la vérité et ce car elle l'a méprisé. Et de la même manière, le peuple de Thamoud, Fir'aoun et autres parmi les communautés précédentes. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné un certain nombre d'entre eux dans Surat al-Fajr. Il dit subhanahu wa ta'ala: Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les Ad, Iram dhati al-imad, et avec Iram, la cité à la colonne remarquable, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. celle dont jamais pareille ne fut construite parmi les villes. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. Et avec les Thamoud qui taillaient le rocher dans la vallée, ils construisaient leurs maisons dans les montagnes. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. Ainsi qu'avec Pharaon, l'homme aux épieux. الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ. Tous étaient des gens qui transgressaient dans leur pays. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ. Et y avaient commis beaucoup de désordres. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. Donc ton Seigneur déversa sur eux un fouet du châtiment. إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. Car ton Seigneur demeure aux aguets. Donc tout cela, Ad, Iram, Thamoud, Fir'aoun, Allah subhanahu wa ta'ala leur avait donné la puissance, alors qu'ils étaient mécréants. Et lorsque sont venus leurs prophètes, alayhimus salatu wassalam, ils ont été leurrés par leur force et leur puissance, ainsi que par leur richesse. Ils ont alors méprisé les messagers, alayhimus salatu wassalam. Ils sont restés dans le polythéisme et la mécréance, alors Allah subhanahu wa ta'ala les a anéantis. Et dans les deux versets suivants, que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné, il a fait allusion aux enfants d'Israël, les juifs, ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala avait accordé le savoir et la compréhension. En effet, les juifs, parmi les choses dont ils avaient connaissance, il y a les caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils savaient qu'un prophète allait être envoyé et qu'il serait le dernier des prophètes. Ils avaient pleine connaissance de cela, avec ce qu'ils avaient dans la Torah et l'Évangile. Il disait donc aux Arabes, dans la ville de Médine, Al-Aws al-Khazraj, un prophète va venir, nous allons le suivre, nous vous combattrons et nous vous dominerons. Ils attendaient ce prophète qui allait venir. Mais lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, et qu'ils ont vu qu'il a été envoyé parmi la descendance de Ismaïl alayhi salam, que c'était un Arabe, qu'il ne faisait pas partie des enfants d'Israël, alors ils ont été pris d'orgueil et de jalousie, car ils espéraient qu'il soit un des leurs. Et ils ne l'ont pas suivi, sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'ils avaient la certitude qu'il était bel et bien le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc est-ce que leur compréhension et leur connaissance, elles leur ont été utiles? Elles ne leur ont été d'aucune utilité. Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet, وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. Ils cherchaient auparavant la suprématie sur les mécréants, c'est-à-dire sur les polythéistes arabes. Puis lorsqu'est venu à eux ce qu'ils connaissaient, lorsqu'est venu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils refusèrent d'y croire. Pourquoi? Car ils n'étaient pas un des leurs. Alors qu'ils connaissaient parfaitement ses caractéristiques, ils savaient avec certitude qu'il était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans l'autre verset que l'auteur a cité, يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. Ils le connaissent comme ils connaissent leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de doute à son sujet. Ils ont reconnu les caractéristiques qui étaient mentionnées dans leur livre en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils ont refusé de le suivre malgré la science qui leur avait été accordée. Et on profite de ce récit un bénéfice immense. Et c'est le fait que ce n'est pas toute personne qui a connaissance de la vérité qui va la suivre et la mettre en pratique. En effet, il est possible que certaines choses empêchent la personne de suivre la vérité. Parmi ces choses, il y a le hasad, comme les juifs, la jalousie. Personne n'est jalouse d'une autre. Donc, elle va rejeter la vérité qui lui est exposée par cette personne. Il y a également l'orgueil, ou encore le désir des bienvilles de ce bas monde, ou l'amour de la notoriété. La personne aime la notoriété. Elle ne veut pas perdre son rang et sa place. Elle fait une erreur. On l'avertit au sujet de son erreur, il refuse de revenir de son erreur. Pourquoi? Il ne veut pas perdre son rang. Il veut garder sa place auprès des gens. Donc tout ceci, ce sont des causes qui peuvent pousser la personne à rejeter la vérité, à ne pas la mettre en pratique, alors qu'elle en a connaissance. Et si tu médites sur cela, cela va faire augmenter en toi la peur de l'égarement, la peur de dévier, la peur de délaisser la vérité. Car la guider, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il guide qui il veut et il égare qui il veut subhanahu wa ta'ala. Il ne suffit pas de connaître la vérité, de mémoriser la science, de la comprendre. Mais la guider, elle est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il multipliait les invocations pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala le raffermisse. Et parmi ces invocations, il y a celle qu'il répétait souvent. Ya muqallib al-qulub, ثبت قلبي على دينك. Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. La science, la mémorisation, la compréhension de cette science, tout ceci, ce sont des causes importantes qui vont te permettre de connaître la vérité et qui seront des causes, inshallah, pour que tu sois ferme sur cette vérité. Mais il ne faut pas penser que cela est suffisant. Il est indispensable que tu aies conscience que ceci ne sont que des causes et que tu dois t'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala et l'invoquer sans cesse pour qu'il te raffermisse sur cette vérité. Donc tout ceci pousse le croyant à prendre garde et à ne pas se laisser leurrer par sa science, à ne pas se laisser leurrer par sa compréhension et à ne pas se laisser leurrer par la place ou le rang qu'il peut avoir auprès des gens. Mais tu dois sans cesse demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te raffermisse sur la vérité et qu'il te guide vers celle-ci. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans son noble livre, au sujet de ceux qui sont enracinés dans la science, et qui disent « Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana »« Ô Allah, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés. » Donc ceci, c'est une question importante, qui échappe à beaucoup de personnes. En effet, on voit beaucoup de gens qui argumentent par la force le rang de tel ou tel savant, en disant que si celui-ci a prononcé cette parole, alors c'est forcément la vérité. Même s'il ne connaît pas les preuves de ce savant, même s'il ne connaît pas sur quoi ce savant s'est basé pour prononcer tel ou tel jugement. Mais il dit, si c'est lui qui l'a dit, étant donné sa grande science, sa grande compréhension qui est là, alors c'est forcément la vérité. Ceci est une grave erreur. Et ceci est semblable à ce que faisaient les gens de la Jahiliya. Il y a certaines personnes également aujourd'hui qui prennent pour argument la puissance ou les richesses qui ont pu être données à certains pays dans le monde. Et disent, regarde ces gens, si Allah leur donne tout cela, comment peux-tu dire qu'ils sont mécréants? Comment peux-tu dire qu'ils sont dans l'égarement? Et ainsi de suite, parmi les paroles que répètent certaines personnes, parmi les gens affiliés à l'islam. Tu ne dois pas oublier que ce bas monde, il ne vaut rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas même le poids de l'aile d'un moustique. Si ce bas monde, il avait une valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors le mécréant, il n'aurait même pas bu une gorgée d'eau. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il donne parmi les bienfaits de ce bas monde à qui il veut, à l'ensemble de ses serviteurs, croyants et mécréants. Mais il fait grâce du bienfait de la foi à ceux de ses serviteurs qu'il choisit. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donc réfuté cette règle erronée sur laquelle se basaient les gens de la Jahiliya. Et ce que l'on doit prendre en considération pour distinguer la vérité du faux, ce n'est pas la situation des gens, s'ils sont faibles ou non, s'ils ont de la notoriété ou non. Tout ceci, ce ne sont pas des choses qui te permettent de distinguer entre le vrai et le faux. Mais ce qui te permet de distinguer entre le vrai et le faux, c'est ce qui est venu dans le Coran et la Sunna, et ce sur quoi sont unanimes les gens de science. C'est en connaissant cela que tu pourras distinguer entre le faux et la vérité. Dans le précepte suivant, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a évoqué une question qui est très proche de celle-ci. Il a dit, rahimahullah, Al-mas'alatu thamina, al-istidlalu ala butlani shay, bi'annahu lam yattabi'uhu illa al-du'afa. Il dit, le huitième précepte, c'est de prendre pour preuve de la fausseté d'une chose qu'elle n'est suivie que par les faibles. Donc ce précepte, c'est le contraire du précepte précédent. On a vu dans le précepte précédent que les gens de la Jahiliya, ils considéraient que la vérité, c'est ce sur quoi étaient les gens puissants, les gens aisés, les gens fortunés, les gens à la grande notoriété. Et ici, dans ce précepte, il nous dit qu'il prenait comme preuve la faiblesse des gens qui sont sur la vérité pour dire qu'ils sont sur le faux. Et il disait, si cela était réellement sur la vérité, ils n'auraient pas été faibles, ils auraient été forts, ils auraient été nobles, et ainsi de suite. C'est de cette manière que les gens de la Jahiliya distinguaient le faux de la vérité, selon eux. Et c'est comme s'ils ignoraient que la force et la faiblesse, Allah subhanahu wa ta'ala en fait don à qui il veut. Il est possible qu'une personne soit faible, mais qu'elle soit sur la vérité, de la même manière qu'il est possible qu'une personne soit forte, et qu'elle soit sur le faux. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a mentionné plusieurs versets à ce sujet. Parmi ceux-ci, la parole du peuple de Nuh. Lorsque Nuh, alayhi salam, les a appelés à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ. Croirons-nous en toi, alors que ce sont les plus vils qui te suivent? C'est-à-dire les gens faibles. Seuls les faibles parmi nous t'ont suivi. Comment pourrons-nous te suivre? Et c'est comme s'il lui disait, Si tu étais réellement sur la vérité, cela aurait été les gens forts et les gens nobles qui t'auraient suivi. Et ceci provient de leur orgueil et de leur mépris de la vérité, ainsi que de leur ignorance de la réalité. En effet, si ces gens-là recherchaient réellement la vérité et qu'ils étaient hésitants, ce prophète vient à eux avec le message provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils hésitent à savoir s'il est réellement sur la vérité. S'ils recherchaient réellement la vérité, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Il lui aurait dit, expose-nous les preuves de la véracité de ce que tu nous apportes. Mais à cause de leur orgueil, ils ont refusé la vérité sous prétexte qu'elle n'était suivie que par les gens faibles. Et s'ils méditaient en réalité, ils auraient su que les suiveurs de la vérité, ce sont eux les gens éminents en réalité. C'est eux les meilleurs des gens, quelle que soit leur faiblesse, quelle que soit leur pauvreté, car ils ont suivi la vérité. Et les gens vils et les gens méprisables, ce sont ceux qui refusent de suivre la vérité et le message des prophètes, alayhimus salatu wassalam, sous divers prétextes, comme cette argumentation erronée. Et de la même manière, les polythéistes ont fait à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wasallam. Ils ont dit au sujet des faibles parmi les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, Ahaulahi manallahu alayhim min baynina. Ceux-là ont-ils été favorisés parmi nous? C'est-à-dire, comment ces gens-là pourraient-ils être sur la vérité? Si ceux sur quoi ils sont étaient un bien, alors nous les aurions devancés dans cela. Et ceci, en réalité, c'est une épreuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il a accordé à certains de ses serviteurs la richesse. Il a fait d'autres de ses serviteurs des gens pauvres. Il a accordé à certains de ses serviteurs la force. Il a fait d'autres des gens faibles. Il a accordé à certains de ses serviteurs un rang éminent auprès des gens. Il n'a pas donné cela à d'autres parmi ses serviteurs. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala fait grâce de la foi à une personne qui est pauvre ou qui est faible, qui n'a pas de notoriété, alors ceci est une épreuve pour les autres. C'est une épreuve pour qui? C'est une épreuve pour le riche. C'est une épreuve pour le noble. Allah subhanahu wa ta'ala l'éprouve afin de voir s'il recherche réellement la vérité et s'il veut réellement suivre la vérité. Car si son intention est de suivre la vérité, il ne se souciera pas du rang social des gens qui sont sur la vérité. Mais il croira et se soumettra à la religion de l'islam. La faiblesse des gens qui sont sur la vérité ne va pas l'empêcher de s'associer à eux dans le suivi de la vérité, peu importe son rang et peu importe sa richesse. Mais s'il n'est pas véridique dans sa recherche de la vérité, alors cette chose, elle va le faire rejeter la vérité. Il ne va pas accepter de suivre une chose qui n'est suivie que par des gens faibles, qui n'est suivie que par des petits, qui n'ont pas de notoriété. Il ne va pas accepter la vérité à cause de cela. Et ça, en réalité, si tu médites bien, c'est une forme de contestation à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a décrété de guider ses faibles, de guider ses pauvres, ces gens que tu considères comme insignifiants. Donc, en disant, comme ils l'ont dit, est-ce ceux-là qui ont été favorisés parmi nous? C'est comme s'ils contestaient ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a donc réfuté cela. Comme nous le dit le cheikh, rahimahullah, فردهُ الله. Allah l'a donc réfuté. بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين. N'est-ce pas Allah qui sait le mieux lesquels sont les reconnaissants? C'est-à-dire, qui parmi ses serviteurs sont reconnaissants? Qui sont ceux qui reconnaissent les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordés? Qui sont ceux qui œuvrent et accomplissent des œuvres pieuses en guise de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala pour les avoir guidés? Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a accordé ce mérite et cette grâce qu'il n'a pas donné à ceux qui ne sont pas reconnaissants. Comme était la situation de ceux qui ont contesté que la guidée soit accordée à des gens faibles. Donc en résumé, il est important pour nous de comprendre que l'auteur, rahimahullah ta'ala, il ne nous a pas mentionné ces préceptes ici, simplement pour que l'on connaisse l'histoire des communautés qui nous ont précédés. Mais il a écrit cela afin de nous mettre en garde contre ces préceptes, afin de nous mettre en garde contre ces règles erronées sur lesquelles étaient les gens de la Jahiliya. Et ce, car il y a encore aujourd'hui certaines personnes parmi les musulmans qui empruntent ce chemin. Ils rejettent la vérité, par exemple, sous prétexte que tel savant est faible, il est âgé, il ne sait pas ce qui se passe autour de lui, il ne connaît pas la réalité des choses, et d'autres paroles qu'ils prononcent afin de rejeter la vérité. Et ainsi sont les gens du faux, et ce jusqu'à nos jours. Ils rejettent la vérité en utilisant pour cela des règles et des prétextes erronés. Ils ne reviennent pas pour distinguer le vrai du faux à ce qui est mentionné dans le livre d'Allah, la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et en faisant cela, en rejetant la vérité sous ses prétextes et en utilisant ses règles erronées, ces gens-là se sont donc assimilés aux gens de la jahiliya, wallahu al-musta'an. Il faut donc prendre garde à cela. Comme on l'a dit, on apprend ses préceptes afin de s'en préserver, afin de s'en écarter. Comme on l'a vu dans la parole de Hudhayfa dans le premier cours, les gens interrogeaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet du bien, et moi je l'interrogeais au sujet du mal, par peur de tomber dedans, afin de s'en écarter. Donc ces préceptes, on les apprend afin de nous en écarter, afin d'emprunter le bon chemin pour reconnaître la vérité. Et ce chemin, comme on l'a dit, et comme on l'a répété, c'est d'évaluer les choses en fonction de ce qui est venu dans les textes du Coran et de la Sunna authentique, et ce sur quoi sont unanimes les gens de science. Telle est la manière que l'on doit adopter pour distinguer la vérité du faux. Ce qui est conforme au livret à la Sunna, nous l'acceptons, même si celui qui nous y appelle est une personne faible, une personne que les gens considèrent comme insignifiante. Et ce qui est contraire au Coran et à la Sunna, nous le rejetons, même si celui qui nous appelle est le plus grand savant de son pays, ou qu'il a une grande notoriété parmi les gens, ou qu'il est fort et qu'il est doté d'une grande compréhension. Si ce à quoi il nous appelle est contraire au texte, alors nous le rejetons sans tenir compte du rang ou de la notoriété de la personne qui prononce cela. On va donc s'arrêter là pour ce soir et on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا